Venceslas revint chez lui vers 1 heure du matin. Hortense l'attendait depuis environ 9h30. De 9h30 à 10h, elle écouta le bruit des voitures, en se disant que jamais Venceslas, quand il dînait sans elle chez Chanor et Florent, n'était rentré si tard. Elle cousait auprès du berceau de son fils, car elle commençait à épargner la journée d'une ouvrière en faisant elle-même certains raccommodages. De 10h à 10h30, elle eut une pensée de défiance. Elle se demanda « Mais est-il allé dîner, comme il me l'a dit, chez Chanor et Florent ?» Il a voulu pour s'habiller sa plus belle cravate, sa plus belle épingle. Il a mis à sa toilette autant de temps qu'une femme qui veut paraître encore mieux qu'elle n'est. Je suis folle, il m'aime. Le voici d'ailleurs. » Au lieu d'arrêter, la voiture que la jeune femme entendait passa. De 11h à minuit, Hortense fut livrée à des terreurs inouïes, causées par la solitude de son quartier. « S'il est revenu à pied, se dit-elle, il peut lui arriver quelque accident. On se tue en rencontrant un bout de trottoir ou en ne s'attendant pas à des lacunes. Les artistes sont si distraits. Si des voleurs l'avaient arrêté. Voici la première fois qu'il me laisse seule ici pendant 6h30. Pourquoi me tourmenter? Il n'aime que moi. »